Les permanents de l'Union de la jeunesse des écoles supérieures de tout le pays ont visité le 3 juillet le haut lieu révolutionnaire d'Oun. Les pèlerins ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigés à l'université Kim Il-sung avant de rendre hommage. Ensuite, ils ont tenu un meeting avant le départ. Après le meeting, ils sont partis pour le haut lieu révolutionnaire d'Oun. À la suite de la visite, ils ont organisé le spectacle de poésie et de chant. Le haut lieu révolutionnaire d'Oun est empreint des exploits immortels du général Kim Jong-il qui a livré les activités idéologiques, théoriques et militaires lors du campement militaire dans la commune d'Oun avec les étudiants de l'université Kim Il-sung.